Chapitre 20. La caravane. Il n'est pas facile de trouver le sommeil sur une arche où les nuits sont claires comme des matins pendant la moitié de l'année. À cet instant, Ophélie avait toutefois d'autres raisons de rester en éveil dans son petit lit d'hôtel. Elle entendait la mer, elle entendait le vent, elle entendait même parfois la respiration d'un harfang ou des couinements de lemming quelque part à l'intérieur des murs, comme si la nature entière s'était donné rendez-vous dans sa chambre. Pour ne rien arranger, Ophélie ne respirait pas à son aise à cause de son nez bouché. À force de se promener nu-pied dehors, elle était tombée malade pour de bon. Elle revoyait dans l'obscurité de ses paupières le visage barré d'une croix. « Ni vous ni moi ne la connaîtrons jamais », lui avait dit une fois Thorne, quand elle l'avait interrogée au sujet de sa mère. Elle comprenait à présent la signification de ses paroles. La mère de Thorne avait subi la mutilation et son tatouage était une marque d'infamie, impossible à dissimuler sous aucun maquillage, sous aucune illusion. Comme tous les chroniqueurs, le pouvoir de son clan est lié à la mémoire, avait expliqué Bérénilde dans les jardins du sanatorium. En perdant le premier, elle a perdu la seconde. N'ayez pas trop pitié d'elle, chère petite, elle a plus d'une mort sur la conscience. Il était difficile d'imaginer que cette créature inoffensive, coincée dans un éternel instant présent, sans passé ni avenir, avait pu être à ce point redoutée. Bérénilde avait raconté à Ophélie la façon dont la mère de Thorne avait entraîné l'ensemble des chroniqueurs dans sa chute une quinzaine d'années plus tôt. Ce clan avait pour vocation première de préserver et transmettre la mémoire collective, comme le faisait la branche familiale d'Ophélie. À la suite d'un long procès, il avait été démontré que les chroniqueurs s'étaient servis de leur fonction pour déformer le passé et s'attribuer de hauts faits accomplis par d'autres. Ils en auraient été quittes pour un avertissement du tribunal si la mère de Thorne n'avait pas commis la faute suprême. Elle avait mis à profit sa position de favorite pour falsifier le pense-bête de leur esprit de famille. À cause d'elle, les disgrâces s'étaient mises à pleuvoir sur tous les courtisans. Farouk ne faisait plus confiance à sa propre descendance. Les choses auraient pu aller très loin si la mère de Thorne n'avait pas fini par être confondue, jugée, puis déchue. « Ce que moi je ne lui pardonnerai jamais », avait conclu Bérénilde avec une haine mal dissimulée, « c'est ce que cette femme a fait à Thorne, en séduisant mon frère et en ayant un enfant de lui. Elle voulait renforcer son propre lignage, doter les chroniqueurs de la puissance de nos chasseurs. Quand elle s'est aperçue que son enfant était un malingre, elle l'a traité comme une chose bonne à jeter aux ordures. » Ophélie se demandait s'il y avait un seul membre de sa future famille qu'elle pourrait un jour présenter à ses parents sans craindre de les affoler complètement. Après réflexion, elle se demanda aussi dans quelle mesure les agissements des doyennes sur Anima ne se rapprochaient pas du trafic de souvenirs des chroniqueurs. Le tic-tac de la montre à gousset résonna dans le silence et bientôt, à la place du visage barré d'une croix, Ophélie fut assaillie par l'image d'un sablier qui s'écoulait, grain après grain, heure après heure. Le sablier de sa vie, avec le 1er août comme échéance. Elle s'était résolue à jeter sa lettre de menace dans le poêle à charbon après avoir échoué à lui soutirer ses secrets. Son auteur connaissait décidément bien ses limites de liseuse. Il n'avait laissé aucune empreinte de son passage sur le papier. Ophélie ne voyait pas de solution à l'ultimatum. Si elle rompait les fiançailles, elle devrait en assumer seule les conséquences et, cette fois, elle ne pourrait pas compter sur la clémence de Farouk. Si elle ne les rompait pas, elle connaîtrait probablement le même sort que le prévôt des maréchaux et le directeur du Nibelungen. Ce n'était pas ce qu'elle appelait « avoir le choix ». Il ne lui restait plus que 48 heures pour prendre sa décision, 48 grains de son sablier de vie. Ophélie frotta ses paupières, résolue à chasser cette image, mais elle fut aussitôt remplacée par la vision de la femme au manteau rouge et à la chapka noire. Ophélie l'avait encore surprise en train de se promener juste sous la fenêtre de sa chambre au moment de fermer les volets, mais quand elle s'était penchée pour la suivre du regard, la femme s'était volatilisée. On l'avait placée sous surveillance, elle en était certaine à présent. Dieu désapprouve cette union. Ophélie fixa la montre à gousset dont le couvercle étincelait sur la table de chevet. Thorn lui avait assuré qu'elle n'était pas pour lui qu'une paire de mains, mais où était-il en ce moment, tandis qu'elle se débattait seule dans ses angoisses? Ophélie ne se défaisait pas de l'impression vertigineuse qu'elle épouserait bientôt, à condition de ne pas disparaître avant, un parfait inconnu. Si vous doutez encore de moi à l'avenir, lisez-la. Avec des gestes hésitants, Ophélie retira son gant de nuit et tendit le bras vers la montre. Puisqu'elle avait la permission de son propriétaire, la toucher n'aurait rien eu de malhonnête, n'est-ce pas? Elle ne la lirait pas plus de quelques secondes, juste le temps de s'assurer que Thorn ne lui avait pas menti cette fois encore. Ophélie referma sa main sur le vide. Non, pas comme ça. C'était la pire façon de réapprendre à faire confiance. Elle tourna le dos à la montre pour ne plus être tentée et enfouit son visage dans son oreiller. Pourquoi Thorn ne donnait-il plus signe de vie? Pourquoi redoutait-on à ce point leur mariage? Pourquoi des nobles disparaissaient-ils sans laisser de traces? Pourquoi Archibald se méfiait-il soudain des illusions? Pourquoi tu ne fais jamais rien avec moi? Ophélie se redressa sur son lit, enfila ses lunettes et dévisagea Hector qui la considérait avec attention dans le demi-jour de la chambre. Il portait son pyjama fétiche, une combinaison bleue à col blanc qui avait grandi en même temps que lui. Contrairement à Ophélie, Hector ne paraissait jamais négligé. Ses chaussures se relaçaient toutes seules, les accros à ses habits se réparaient d'eux-mêmes et ses poches, qui avaient pourtant beaucoup de bêtises à cacher, ne laissaient strictement rien dépasser. Il savait se faire obéir de n'importe quel élément de garde-robe et de n'importe quelle porte d'hôtel fermée à clé. « Tu as accompagné les filles au bain et tu t'es promené avec Madame Bérénilde. Pourquoi ça ne serait pas mon tour ?»« Je t'écoute, » dit Ophélie en consultant la montre de Thorn. « Quelle proposition, monsieur, dit pourquoi, a-t-il à me faire à 5h12 du matin ?»« J'ai trouvé ça, hier soir, sur le panneau d'annonce de l'hôtel. » Hector lui tendit une grande affiche froissée et déchirée. Elle est enfin de retour au pôle, la caravane du carnaval. Venez voir les plus beaux spectacles interfamiliaux. Ophélie se sentit soudain envahie de nostalgie. La caravane du carnaval était un cirque ambulant, composé d'hommes et de femmes des quatre coins du monde et qui allait d'arche en arche. Lors de son dernier passage sur Anima, Ophélie n'était qu'une petite écolière, mais elle en avait conservé un souvenir ébloui. J'étais pas né quand vous les avez vus, rappela Hector, comme s'il avait été longtemps victime d'une regrettable injustice. Pourquoi est-ce que tu ne m'y accompagnerais pas? Ophélie hésita, puis elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement envie d'aller au cirque avec son frère, elle en avait besoin. Nous irons, promit-elle. Juste toi et moi. La caravane du carnaval s'était installée près de la ville d'Asgard, à l'embouchure du fjord voisin, ce qui ne représentait qu'une demi-heure de bateau depuis les sables d'Opale. Sur le moment, Ophélie avait trouvé l'idée de cette escapade avec son petit frère plutôt séduisante. À présent qu'elle courait de stand en stand à la recherche d'Hector, elle regrettait de ne pas s'être faite escorter par une armée d'adultes. Ce garçon était pire qu'une savonnette. Il se faufilait dans la gondole d'une devineresse de la Sérénissime, disparaissait devant l'atelier photographique des alchimistes de Plombord, se cachait sous le piano du duo de pharaons jazzistes et s'élevait dans les airs sur le fauteuil d'un psychokinésiste de Cyclope. La caravane offrait une palette très variée de pouvoirs familiaux et Hector était d'une curiosité insatiable à poser ses « pourquoi » à qui voulait l'entendre. « Alors ?» s'exclama Renard en voyant Ophélie passer devant le stand de nécromancie. « Vous profitez bien des festivités ?» Il était lui-même en train de discuter avec une dresseuse devant les cages des chimères. « Pas tellement, » répondit Ophélie. « Je cherche mon frère. »« Encore ? Dites, faudrait le tenir en laisse. J'aimerais autant pas me faire remonter les bretelles par votre tante et votre maman. C'est que moi, aujourd'hui, je suis responsable de vous deux. Trois en comptant ce nigo-là. » grommela Renard en secouant Andouille par la peau du cou. « Je l'ai récupéré de justesse avant qu'il n'entre dans la cage aux chimères. Si madame la totémiste n'avait pas été là... » La dresseuse sourit jusqu'aux oreilles. C'était une femme magnifique qui possédait une peau noire comme la nuit et des cheveux dorés comme le soleil. « Je ne parviens pas à veiller sur mon propre frère, » soupira Ophélie. « Ferais-je vraiment une aussi bonne marraine que le croit Bérénilde ?»« Allez, ne vous inquiétez pas !» dit aussitôt Renard avec un grand sourire. « Je le vois là-bas, votre frangin, chez le colosse de Titan !» Il désigna une estrade où un petit homme chétif était en train de soulever d'une seule main, comme si elle ne pesait rien, une énorme armoire à glace. Hector était là, en effet, qui se joignait aux applaudissements polis des spectateurs. Hormis eux et quelques curieux, il n'y avait pas grand monde qui circulait entre les stands et les roulottes. Le plus gros de la foule était composé des forains eux-mêmes, vêtus de costumes flamboyants et de masques à paillettes. Ophélie reporta son regard sur l'immense muraille ferroviaire, plus haute que les grands sapins, qui longeait les contours du fjord dans le lointain. Heureusement, la caravane était protégée des bêtes de ce côté-ci. « Vous avez du succès ?» dit-elle à Renard. Elle venait de surprendre le clin d'œil éloquent que la belle dresseuse lui avait adressé. « Bien sûr, gamin, qu'est-ce que tu crois ?» ricana Renard en reposant en douille sur sa tête. « Il n'y a qu'une seule fichue bonne femme pour ne pas s'en être encore rendu compte. Des années que je la convoite, celle-là. Elle finira bien par céder. » Ophélie observa pensivement le disque pâle du soleil qui apparaissait en filigrane derrière les nuages. Depuis qu'il avait quitté le clair de lune, Renard envoyait une déferlante de lettres à Gaëlle, sans jamais recevoir de réponse. « À moi aussi, elle me manque, » lui dit-elle. Ophélie s'abstint d'ajouter qu'elle était même très inquiète à son sujet, depuis qu'elle savait qu'Archibald menait sa propre enquête. Les disparitions au clair de lune allaient probablement le conduire à passer son personnel à la loupe. Qu'adviendrait-il s'il découvrait que la mécanicienne de la mère Hildegarde possédait à la fois d'excellentes raisons de détester les nobles et un pouvoir capable d'annuler le leur? Elle ferait une coupable toute désignée. Ophélie aurait vraiment aimé en parler librement à Renard, mais elle avait promis à Gaëlle de ne révéler son secret à personne. « Vous êtes filé par une déchue !» Renard avait déclaré cela sans se départir de son sourire, son chaton dans les cheveux tandis qu'il faisait mine de chasser du sable de sa chaussure. Ophélie dut se faire violence pour ne pas trahir sa surprise et se prit d'un intérêt subi pour les aquariums de poissons phosphorescents qu'ils étaient en train de longer. « Une femme au manteau rouge !» poursuivit-il d'un ton faussement dégagé. « Près des paravents des Zéphyrs. Je n'arrête pas de l'avoir collée à vos miches. Sauf votre respect. » Alors je ne me faisais pas des idées, dit Ophélie sans oser se détourner des aquariums. Pourquoi pensez-vous que c'est une déchue? Elle ne fait rien pour être discrète, mais elle disparaît dès qu'on la lorgne d'un peu trop près. Si ça, c'est pas une invisible, gamin, je te demande un peu. Un pouvoir qui rend invisible? Renard ramena sur ses cheveux roux en douille qui était en train d'escalader hardiment sa manche de redingote, intrigué par les poissons phosphorescents. Qui donne l'illusion de l'invisibilité? Ça se passe toujours dans la tête, ces choses-là. Ophélie acquiesça. Elle avait compris depuis longtemps que le pouvoir familial de Farouk n'agissait que d'esprit à esprit, comme l'aurait fait une onde radioélectrique entre un poste émetteur et un poste récepteur. Contrairement à l'animisme, il n'avait aucun effet tangible sur la matière. J'espère que cet invisible continuera de garder ses distances. Qu'elle s'approche, grogna Renard. Je suis peut-être un sans-pouvoir, je suis pas un sans-muscle. Le nez d'Ophélie se remit à couler abondamment. Elle profita d'un coup de mouchoir pour risquer un regard rapide du côté des paravents. Elle ne vit personne d'autre qu'une fillette en costume pailleté qui lançait un sucre à un petit tourbillon. Si l'invisible se trouvait bel et bien là, son pouvoir était diablement efficace. Les déchus n'ont normalement pas droit de citer, reprit Ophélie. J'ai pourtant rencontré la mère de Thorn dans un sanatorium, et notre femme au manteau rouge se faufile partout où elle veut. D'un geste habitué, Renard pinça la peau du cou d'andouille qui descendait méthodiquement le long de son pantalon, puis le ramena dans le nid douillet de sa chevelure. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais j'ai remarqué quelques bizarreries depuis notre arrivée en province. Prenez le cordonnier des sables d'Opale, par exemple. J'étais juste passé faire rafistoler une semelle. Et avant même de comprendre ce que je faisais, je lui ai acheté deux paires de souliers neufs. Ensuite, il y a eu, eh bien, une femme facile, voyez. Elle m'a accosté dans la rue, belle à se damner. Moi, j'ai refusé, poliment, parce que, voilà, hein, je me réserve pour une autre. Croyez-le, croyez-le pas, dès qu'elle s'est désintéressée de moi, elle a perdu d'un coup tous ses attraits. Et puis, il y a eu ce gars qui m'a endormi net pendant qu'on jouait aux cartes, juste quand je gagnais et que je lui réclamais mon dû. Il m'a louché dessus, le gars, hein, avec un grand sourire navré, et hop, j'ai piqué du nez. Bref, je pourrais vous en raconter encore une tripotée, des petites étrangetés comme ça. Ce seraient tous des déchus, s'étonna Ophélie. Pas forcément de la noblesse pure souche, mais il y a comme des relents de pouvoir ici et là. Les persuasifs et les narcotiques, pour ne citer qu'eux, étaient des clans très redoutés du temps où ils jouaient les courtisans. Mais voilà, quoi, ça remonte à loin. Les invisibles aussi, ça remonte à loin. Il n'y a même plus personne pour s'appeler pourquoi ils ont été déchus, au juste. Ophélie aurait aimé poursuivre cette conversation, mais elle venait de se rendre compte que son petit frère s'était une nouvelle fois volatilisé. « Vous m'aidez à chercher Hector ?» demanda-t-elle. Tandis que Renard interrogeait les pyrokinésistes qui jonglaient avec des boules de foudre, Ophélie fouilla la serre des plantes fumigènes. Ce n'était pas une tâche aisée de chercher un petit garçon au milieu d'une foule de fleurs géantes qui répandait partout un épais brouillard d'encens. Ophélie sortit de la serre en larmes et des pétales plein les cheveux. Quand elle jeta un coup d'œil dans la tente suivante, elle ne trouva pas un, mais deux Hector. Ils étaient en train de s'observer mutuellement avec une curiosité amusée. Ils se tournèrent vers Ophélie dans un mouvement symétrique en la voyant. L'Hector de droite eut aussitôt une poussée de cheveux spectaculaire, grandie de quelques centimètres et ressembla vite à Ophélie comme une jumelle. Elle sut aussitôt qu'elle avait affaire aux mille faces, à un métamorphoseur prodigieux. « C'est de loin le numéro le plus épatant, » dit Hector avec sa placidité habituelle. « Le mille-faces peut imiter n'importe qui. Pourquoi tu fais cette tête ?»« Parce que je n'arrête pas de te courir après, » lui reprocha Ophélie. « Nous allons bientôt prendre le bateau du retour, alors ne t'éloigne plus. » Ce n'était pas la première fois qu'elle assistait au numéro du mille-faces. Elle n'en trouvait pas moins très perturbant d'être dévisagée par son propre double. « Tu es ma filière, » déclara soudain le mille-faces. « Je vous demande pardon, » s'étonna Ophélie. Non seulement il lui ressemblait trait pour trait, mais en plus, il s'exprimait avec la même voix en sourdine que la sienne. En revanche, sa phrase n'avait aucun sens. « Familière, » rectifia le mille-faces. « Tu es familière. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. » C'était le temps du constat plutôt que de la question. Quand vous étiez en tournée sur Anima, répondit-elle avec une franche admiration. J'étais une toute petite fille à l'époque. Je trouvais déjà votre numéro très impressionnant, madame. Monsieur. Un flash de lumière l'éblouit. Il avait été projeté par un gros appareil photographique qu'Hector portait autour du cou. Où as-tu trouvé ça, toi ? Demanda Ophélie en entraînant son frère hors de la tente du mille-faces, à moitié aveuglé par le flash. « C'est un alchimiste de Plombord qui me l'a échangé contre l'une de mes toupies à mouvement perpétuel. C'est un appareil à développement instantané, regarde !» Son frère agita le papier que son boîtier venait de recracher bruyamment, puis il grimaça. « Flûte ! Pourquoi mes photographies sont toujours ratées ?» De fait, au lieu des deux Ophélie prévues, il y en avait quatre sur la pellicule, moitié à l'endroit, moitié à l'envers. « Ce doit être un écho, » expliqua-t-elle. « Le télégraphiste de notre hôtel m'a dit qu'il y en avait tout le temps en ce moment et qu'il parasitait les appareils. Probablement un orage magnétique ou quelque chose comme ça. » Ophélie leva le nez en l'air pour voir si le ciel était à ce point menaçant. Elle crut avoir la berlue. Quant à la place des nuages, elle vit la sinistre figure de Thorne.